On s'aimait trop mal, on se serait fait donner le sida. Le destin coïncide, ma belle follow Dalida. J'crois que moi et mon orgueil tout pourri, on a fait un vide. Sans elle j'ai senti le vide, la chute, la redescente. Où est passée la fleur que j'ai connue adolescente? Yep, explique ses thèmes, tous ses vocales me bassinent. Mignonne, allons l'accueillir, pétri jusqu'à la racine. Et juste plus je la voulais, plus elle s'éloignait de moi. Ah, j'en arrive au même résultat. Sur un million, même aveugle, c'est elle que je vois. Oh. Elle était belle, elle sentait bon, elle est partie comme un ange. À la prochaine, hors de question, pas même un royaume en échange. Elle était belle, elle était bonne, elle est partie comme un ange. Elle est de celle qui change la donne quand la vie de son monde change. Un dernier clignement de style. Dernier sourire facile, rallumer la lumière, y'a plus personne au bout du fil. Je vis ce que je deviens, comme mec sur messagerie. Pour le reste de ma nuit, pour le reste de ma vie. Un dernier clignement de fil. Personne au bout du fil. Je vis ce que je deviens, mon cœur attend qu'on le déploie. Elle était belle comme ma chute, elle est partie comme un chétan. Et juste plus je la voulais, plus elle s'éloignait de moi. Oh, j'en arrive au même résultat. Tout sur un million, même aveugle, c'est elle que je vois. Oh, elle était belle.